Évariste Ndikomanyanga. Merci de rester branché sur les zones de la radio Isanganiro. Bienvenue à ce journal. La mise en onde est assurée par Innocent Bibonimana. D'abord, le titre. Les agents recenseurs vont commencer par la connaissance de leur dénombrement respectivement le 23, 24 et de ce mois pour enfin commencer la collecte des données proprement dites le 25 août jusqu'au 15 septembre. Annonce faite ce mardi par le secrétaire du Comité national de recensement, Vlant André. Les mesures barrières pour faire face à la variole du singe ne sont pas observées dans différents coins du pays. Au nord de Bujumbura, la capitale économique, l'on évoque le manque d'eau potable. Les prix de certains denrées alimentaires de première nécessité ont augmenté depuis un peu moins d'un mois. Au marché central de Gitega, indiquent les commerçants des vivres de ce marché ainsi que les consommateurs. Et les camps de travail organisés pour les élèves en vacances sont utiles pour des groupes de jeunes en vacances. Pasteur Eli Nahiman, acteur de la paix, indique que les organisateurs doivent nécessairement se rassurer que les langues utilisées dans ces activités ne soient pas violentes afin de garantir la sécurité de tous les participants. Bienvenue à cette édition. Les agents recenseurs vont commencer par la connaissance de leur dénombrement respectivement le 23 et 24 de ce mois pour enfin commencer la collecte des données proprement dites le 25 août jusqu'au 15 septembre de cette année. Nicolas Ndayishimiye, secrétaire du Comité national d'organisation du recensement, l'a annoncé ce mardi après la réunion organisée par le Premier ministre, en même temps président de ce comité à l'endroit des ministres pour analyser l'état d'avancement des mobilisations en rapport avec ce recensement. Suivez-le dans ses propos recueillis par Ornella Mucho. Je tiens à vous dire qu'en ce moment, le Sénat vient de tenir cette réunion. Les agents recenseurs ont été formés. Les agents recenseurs qui seront retenus vont commencer à passer dans les ménages pour faire une reconnaissance de leurs zones de dénombrement et entamer la numérotation des ménages correspondant à leurs zones de dénombrement les 23 et les 24 de ce mois d'août. Le 25 août, c'est là qu'ils vont commencer la collecte proprement dite des données de dénombrement. La collecte va se terminer le 15 septembre de cette année 2024. Je voudrais souligner que le Sénat vient encore de prendre une autre décision qui va encore réunir les membres des comités provinciaux et des comités communaux du recensement. Cette fois-ci, dans les anciennes provinces, pour faire une évaluation de cette campagne de sensibilisation et de mobilisation de la population, pour encore insister sur leur mission, qui est la mission de sensibiliser les populations pour une adhésion parfaite dénombrement en cours. Je voudrais dire une décision qui a été déjà prise par le gouvernement, c'est que pendant le recensement, aucune autre opération statistique, c'est-à-dire une enquête auprès des ménages, n'est autorisée. Donc, que les gens le sachent, c'est uniquement les enquêtes auprès des ménages qui ne sont pas autorisées. Parce que ces enquêtes ont comme unité statistique les ménages dans lesquels les agents recenseurs seront en train de travailler. C'était là Nicolas Ndayishimiye, secrétaire du Sénor. Les industriels sont appelés à produire de façon écologique pour préserver l'environnement. Cet appel est du président de l'Association des industriels du Burundi au cours d'une conférence tenue à l'occasion des cérémonies du lancement officiel de cette édition du Salon des industriels qui sera tenu du 4 au 9 septembre. Juvenal Sakoubou indique qu'avec cette 6e édition, l'AIB compte sensibiliser beaucoup pour qu'il y ait une responsabilité des sociétés industrielles. Nous, on observe de temps en temps, c'est dommage qu'une industrie produisant des produits ne répondant pas aux normes qualité, non-respect à l'environnement, néfaste à la vie des hommes. Ça nous fait retourner en arrière et c'est dommage. J'invite tout responsable à commencer par l'industriel, de produire des produits de qualité. À la BBN surtout, de se doter des équipements nécessaires pour vérifier, identifier à la première minute ces produits avant d'aller sur le marché. Quant à la IB, nous sommes là et nous sommes disposés à recueillir des informations, même si nous sommes signalés qu'était l'entreprise, qu'était l'industrie, produit ce genre de produit, nous allons nous saisir nous-mêmes et arrêter les dégâts avant. Nous le regrettons très fort quand l'industriel produit des produits ne respectant pas ces normes néfastes pour la vie de l'homme. Les innovations issues de recherches menées par les experts de l'Université du Burundi dans tous les domaines devraient contribuer à atteindre les objectifs du développement durable. Propos du vice-recteur de l'Université du Burundi lors d'un colloque ce mercredi sur la conservation de la biodiversité et du développement durable. Emery Nokouri interpelle tous les chercheurs à sortir de leur bureau pour partager avec la population les résultats de leurs recherches. Suivez-le. L'université est accusée de rester dans les amphithéâtres, de rester dans un milieu fermé, de faire des recherches qui ne bénéficient pas à la communauté et à la population. C'est pourquoi alors nous avons organisé ce colloque pour évidemment faire rencontrer nos chercheurs qui travaillent dans nos centres de recherche avec les techniciens du ministère de l'Environnement, avec les acteurs publics et privés travaillant dans l'environnement, avec les chercheurs d'autres pays, pour mettre ensemble, échanger, voir comment nous pouvons travailler en commun, être auprès du citoyen, être auprès de la population, pour servir à la société et pour protéger l'environnement. C'est la remarque de la population, c'est la remarque des entreprises qui veulent que l'université soit vraiment au service de la population, que l'université participe pour résoudre les problèmes de la population, que nos centres de recherche soient implantés dans les champs, à l'intérieur du pays, pour qu'ils aident la population. Et c'est conforme aussi au slogan de Caminos Amanous, les universités, la recherche, au service du petit paysan, au service de l'environnement, au service du développement durable. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Et en éducation, le ministre de l'Éducation nationale interdit l'organisation des enseignements sur le programme de l'année scolaire prochaine pendant les vacances. Dans une correspondance que le ministre François Abdelimana a adressée au directeur des écoles ce 20 août 2024, indique que cette activité perturbe la période des vacances et a des conséquences néfastes sur leur capacité d'assimilation des leçons. Dans cette correspondance, le ministre de l'Éducation recommande de rompre avec cette pratique et que des sanctions sont prévues pour toute école et tout directeur qui ne va pas respecter la présente instruction. Les habitants des zones Kamenge et Kinama au nord de la ville de Bujumbura indiquent qu'ils n'ont pas été sensibilisés sur comment se prévenir contre la maladie dite variole du singe. Ils précisent que c'est difficile pour lutter contre cette maladie. Dit suite à la pénurie d'eau potable, il demande à la régie des eaux de leur fournir de l'eau potable dans le but de faire face à la propagation de la variole du singe. Les détails avec Alice Lucrèce Ishimwe, stagiaire à la radio Isanganiso. Ces habitants des quartiers nord de la ville de Bujumbura font savoir qu'aucune autorité administrative n'a jamais venu les sensibiliser sur mesures d'hygiène qu'ils peuvent appliquer dans le but de lutter contre la propagation de la maladie de variole de singe. Ils indiquent qu'ils apprennent des informations relatives de cette maladie sur les radios et les réseaux sociaux. Se prévenir contre cette maladie de variole de singe est difficile suite au manque d'eau potable qui s'observe dans cette localité depuis longtemps. Il demande à la régie des eaux de rendre disponible l'eau potable en quantité suffisante dans le but de lutter contre cette maladie. Malgré cela, l'un des habitants de la zone urbaine Kinama rencontré à la 9e avenue du quartier Muranza indique que les responsables de la santé publique ont passé dans leur ménage pour les prodiguer des conseils de lutter contre cette maladie tout en déplorant qu'ils ignorent toujours les mesures d'hygiène. Même son de cloche avec l'autre habitant du quartier Tunyoni de la zone Kamenge qui précise qu'il est difficile d'observer observer ces mesures, surtout les salutations à ce sera les mets du fait que cela est inclus dans la culture burundaise. Là où nous avons passé comme dans les marchés, les banques, le constat est que les gens ne respectent pas les mesures d'hygiène dans le but de lutter contre la propagation de variole de singe. Et les mesures barrières fixées contre la propagation de la variole du singe Mpox 2024 ne sont pas bien observées dans la ville de Kayanza. L'exemple, c'est celui des gens qui continuent à se saluer en se serrant les mains et d'autres qui font même des embrassades comme si rien n'était. L'administration communale de Kayanza a indiqué que des sensibilisations pour se protéger contre la propagation de cette maladie continuent. Godefroy Nyonitigye, administrateur communal de Kayanza, indiquait que la semaine prochaine, ceux qui continueront à faire sourd oreille se verront infliger d'amendes. Cap sur Gitega pour parler commerce, les prix de certaines denrées alimentaires de première nécessité ont grimpé depuis un peu moins d'un mois au marché central de Gitega, indiquait les commerçants des vivres de ce marché. Par exemple, le prix du riz ordinaire a passé de 3200 francs à 3300 francs le kilo, à un prix variant de 3800 francs, 4000 francs le kilo. Et le haricot ordinaire a vu son prix passer de 2200 francs à 2300 francs le kilo, à 2600 francs le kilo. Le commerçant des vivres explique cette hausse des prix en évoquant la diminution des stocks de récolte des agriculteurs, mais aussi la pénurie du carburant. Quant à elle, la population demande à l'État d'octroyer à temps aux agriculteurs des semences sélectionnées et engrais, n'est-ce pas, Jelani Vikita? Les commerçants de vivres du marché central de Gitega disent que les prix de certaines denrées alimentaires ont vu leur prix augmenter depuis un peu moins d'un mois. Là, ils parlent du riz ordinaire, de le prix qui variait de 3200 à 3300 francs le kilo varie aujourd'hui de 3800 à 4000 francs le kilo. Et le prix du riz tanzanien qui était de 3600 francs le kilo antérieurement est de 4500 francs le kilo aujourd'hui. Et le prix des haricots ordinaires a passé de 2200 ou 2300 francs le kilo à 2600 francs le kilo. Quant au haricot dit Kinure, son prix a passé de 3000 francs le kilo à un prix variant de 3400 à 3500 francs le kilo, précise ses commerçants. Ils ajoutent que le prix des grains de maïs a passé de 1500 francs le kilo à 1800 francs le kilo, tandis que la farine de maïs a passé de 1800 francs le kilo à 2200 francs le kilo. Ces commerçants de vivres expliquent cette hausse des prix en évoquant la diminution des stocks des agriculteurs, mais aussi la pénurie du carburant. À eux de mentionner que le coût de transport de vivres à bord de camions, qui était de l'ordre de 5000 francs, est aujourd'hui multiplié par 3. Quant à elle, la population demande à l'État d'octroyer à temps aux agriculteurs et via le ministère en charge de l'agriculture, les semences sélectionnées, les engrais chimiques pour relever davantage la production. Toutefois, ces commerçants de vivres du marché central de Gitega révèlent qu'il y a des denrées alimentaires dont les prix ont récemment chuté. Il s'agit notamment de la pomme de terre dont le prix a passé de 2000 francs le kilo à un prix variant de 1600 francs à 1700 francs. Francs le kilo. Il s'agit aussi des oignons rouges et blancs qui se vendent actuellement à 2000 francs le kilo au moment où antérieurement ils se vendaient à 5000 francs le kilo, voire plus. Depuis Gitega, Jean Ibigira pour Radio Isanganiro. Parle, rassure-moi. Les camps de travail organisés pour les élèves en vacances sont utiles pour des groupes de jeunes en vacances. Pasteur Eddy Nahimana, acteur de la paix, indique que les organisateurs doivent nécessairement se rassurer que les langages utilisés dans ces activités ne soient pas violents afin de garantir la sécurité de tous les participants. Des élèves rencontrés sur la colline Gabaniro de la zone Gitaza, en commune Mouta, nous sommes dans la province de Bujumbura, reconnaissent que des incidents peuvent se produire sur les lieux du travail, bien que ces camps les appellent à travailler pour le bien de tous. Parle rassure-moi de ce mercredi avec Francine Ndokukaj. Mmh. Ces élèves de la zone Gitaza s'occupent de la fabrication des briques pendant les vacances. Dans leur diversité, ils se rassemblent pour des activités qui peuvent les aider à acheter du matériel scolaire. Ils travaillent dans l'ambiance, rient, se lancent des blagues, mais tout en évitant des mots qui blessent les autres. Ces messages peuvent engendrer des tueries s'ils sont tenus pendant ces camps de travail. Ces messages peuvent semer de la méfiance, laquelle peut causer à son tour des tueries. Par exemple, des querelles liées à des appartenances politiques durant ces travaux peuvent conduire à des tueries. Introduire les discussions relatives à des appartenances politiques pendant les camps de travail peut causer de la rancune et de la division. Cela fait que les anciens amis deviennent des ennemis à éliminer même. Aimable Sibomana est le chef de cette colline Gabidano sur laquelle se font les travaux. Il fait savoir que l'autorité doit accompagner ces jeunes pour se rassurer que tout se passe très bien. Nous leur donnons des formations et des sensibilisations à la bonne cohabitation et au respect mutuel. Si ces enfants ne parviennent pas à abandonner ces discours de haine, en tant qu'administration et en collaboration avec la direction de l'école, nous prévoyons des sanctions. Si ces discours de haine sont tenus sur le lieu des travaux d'encadrement, ces derniers sont perturbés. Certains peuvent ainsi abandonner ces travaux et d'autres peuvent apprendre des mauvais comportements. Les camps de travail renforcent la cohésion sociale, selon Pasteur Edina Himana, acteur de la paix. C'est une technique de reconstruire la communauté qui a été pendant des années déchirée. Ça veut dire qu'il est plus que nécessaire aujourd'hui d'organiser des camps d'été pour que tout d'abord les jeunes élèves, étudiants ou même ceux qui n'ont pas eu la chance de continuer leurs études, d'avoir une occasion d'être mis ensemble pour pouvoir suivre une rééducation. Quand nous sommes ensemble, quelqu'un peut partager, lancer un message de haine envers un autre, peut-être qui a une roue ou qui a un marteau, directement il l'écrase. Et voilà, ça veut dire qu'il faut s'attendre que il peut y avoir des incidents. Cet acteur de la paix conseille aux organisateurs de telles activités de mettre également en place d'autres comités dont les membres vont veiller à ce que ces campeurs vivent ensemble en harmonie et déterminer la communication à utiliser pendant toute cette période. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Innocent Bibonimana pour sa parfaite collaboration technique à la présentation. Vous étiez avec Evariste Ndikoumanyanga. Bonne suite des programmes sur Sanganiso.